Bonjour, cher ami. Quel beau feu de cheminée pour une soirée d'automne. Viens donc t'asseoir à mes côtés. J'ai du thé à la bergamote et des crumpets. Mais quel est ton nom? Je m'appelle JR et je t'avais dit que l'accent anglais, c'est vraiment pas mon truc. Viens quand même t'asseoir à mes côtés. Ouais, mais d'abord, tu remets ton pantalon. Là où ça sent la merde, ça sent l'aide. Si vous aviez à vous définir d'un mot, qu'est-ce que vous diriez? Eh ben, c'est que je travaille et les autres foutent rien. On a exactement ce que je pense. Je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Le caca! Bonjour à tous et bienvenue sur Deux Hommes et un Bouquin, le podcast qui prend les livres par la quatrième de couverture. Bam! Oh là là. Cette semaine, on a lu Thomas Hardy, Le Retour au Pays Natal. C'est une histoire d'amour à quatre faces dans la lande anglaise du 19e siècle. Qu'est-ce que tu as pensé de ce bouquin, Mathieu? Ouais, salut. Écoute, moi, si je peux me permettre une petite vanne, ce bouquin a été écrit dans la lande et dans la langue anglaise. Alors sinon, j'ai beaucoup aimé. Donc moi, j'ai trouvé ce bouquin vraiment pas mal et je pense qu'il va caracoler en tête de notre classement intermondial, interallié et tout ce qu'on veut, des bouquins faits dans ce podcast. Pour commencer, on peut présenter un peu les personnages donc, de cette qui vont être les acteurs de ce drame avec quatre amoureux comme ça, un petit peu, cinq amoureux même, qui vont un peu se marcher sur les pieds. Alors on va commencer avec un peu le fantasme de la lande, Eustacia Vye. Donc, elle a pas vraiment demandé d'être là, et elle demande absolument à se barrer de cette lande, mais elle est super canon, et elle fait un peu fantasmer tous les mecs qui traînent dans les parages. Alors, donc un autre personnage qui s'appelle Thomasine Yeobright, qui est un peu la cruche de service, qui va être là juste pour servir de béquille. Elle ne sert à rien, elle n'aime rien, et on ne sait pas pourquoi elle est là. Ensuite, alors donc là, on a présenté les deux personnages féminins et les personnages masculins maintenant. On va commencer avec un Damon Wildlive, patron d'auberge. Gentiment coureur de jupons, enfin disons pour à quel point on peut être coureur de jupons en Angleterre dans les années 1850, donc pas beaucoup mais quand même. Et il adore jeter des pierres dans l'eau, ce gars-là. Ouais, et donc on a donc un quatrième personnage qui va venir foutre la merde et qui s'appelle Clyme Yeobright, et qui est le fameux qui est donc le titre c'est Retour au pays natal, et en anglais The Return of the Native, qui est donc lui le natif, c'est lui qui retourne au pays natal puisqu'il était exilé à Londres pour faire ses affaires, mais c'est un enfant de la lande de ce pays, voilà, et qui vient. Et qui va donc tomber amoureux de Eustacia. Petite précision généalogique, il est aussi le cousin de Thomasine Yeobright. Et ce qui apporte un peu de piment à l'affaire, c'est qu'un peu comme la France, c'est un peu comme dans la France de Christine Boutin de 2010, c'est qu'on peut se marier avec son cousin à l'époque. Et ça joue. Ce qui m'apporte, disons, de l'eau à mon moulin pour présenter le cinquième personnage, donc qui est un homme qui s'appelle Diggory Venn, alias le petit Diggory, qui est un homme au rouge, dont le métier c'est une espèce de marchand ambulant qui vend de la craie rouge pour les bergers de la lande. Voilà, et lui il est amoureux, pas si secrètement, depuis toujours de Thomasine. Ce qu'il fait, c'est un métier qui n'existe plus, puisqu'il est vendeur ambulant, en fait il passe de berger en berger pour vendre sa teinture, et il est en permanence. Il est en permanence couvert de rouge, donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme rouge, puisque sa peau est imprégnée de cette teinture, de cette craie rouge. Petit point historique tout à fait charmant. Alors est-ce que tu veux... Ouais, puisque ça n'existe plus, comme webmaster du site MySpace, les hommes rouges n'existent plus. ce roman se situe donc dans la campagne profonde anglaise dans la deuxième moitié du 19e siècle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas Hardy, quel que soit son roman, en fait, il place tous ses romans dans une campagne imaginaire qui s'appelle le Wessex, Donc ça n'existe pas. Et tous ces romans sont accompagnés d'une petite carte imaginaire, comme s'il s'agissait d'un roman d'heroic fantasy du Seigneur des Anneaux, avec les noms de villes pour qu'on puisse les situer par rapport aux villes réelles. Voilà, puisque le relief et la campagne existent réellement, mais les noms de villes sont imaginaires. Eux, ils habitent à Bloom's End. Est-ce que tu peux nous... Je sais plus, il y a Bloomsbury, il y a des... Voilà, c'est pittoresque. Et tous ces romans se situent exactement, ont le même espace-temps. Et donc, le livre s'ouvre sur une espèce de feu de la Saint-Jean. Donc, chaque année, un certain jour, tous les habitants de la lande font des feux sur des petites collines. Ils se réunissent et ils se mettent à parler du bon temps, comme ça. Un truc assez sympa, quoi, très folklorique. Et là, on rencontre les premiers personnages secondaires qui sont très très importants dans ce bouquin. On sera notamment le grand-père Cantel, qui n'arrête pas de reparler de ses campagnes contre Napoléon dans les années 1804. Donc on a ça, on a son fils aussi, on a plein de campagnards qui parlent dans un langage très fleuri, difficile, parce que si on le lit en anglais, on est obligé de lire les petites notes qui s'accompagnent, parce que c'est limite incompréhensible. Et puis voilà, donc ça c'est le début du roman, c'est les villageois qui font leur feu de la Saint-Jean. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors j'aime bien, en fait, pour revenir sur cette scène, j'aime beaucoup cette scène qui est un côté hyper naturaliste avec donc la description, donc avec le langage du commun, en fait, des personnages. Donc d'ailleurs, un peu comme dans notre bouquin précédent, Le bûcher des vanités, où en fait le langage est repris et fait partie intégrante du contexte. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool. Et ensuite, l'intrigue débute. Donc il y a cette introduction assez longue, et ensuite l'intrigue débute avec une rencontre assez cavalière entre donc notre protagoniste Eustache Vaille. Ouais, je crois qu'il vaut mieux qu'on l'appelle Eustache, parce que d'ailleurs tu connais les femmes à Eustache. Eustache rencontre son ex-amant, ex-promis, c'est assez... Franchement, on ne sait pas trop tout au long du bouquin, mais elle rencontre donc son promis. Bah c'était ouais, clairement c'était son promis, ils étaient censés se marier. Donc, c'était Damon Wildleave, un patron d'auberge, donc le fameux coureur de jupons, et qui avait ceci pour lui d'être un peu le personnage le plus lettré de la lande, en fait. Et qui était donc promis à Eustacia, et qui est maintenant promis à Thomasine Yeobright, donc une autre jeune femme. On comprend rapidement qu'elle est moins belle qu'Eustache, mais qu'elle a une meilleure situation sociale. Ce qu'on voit, ça c'est un schéma qu'on voit très souvent chez Thomas Hardy, c'est l'importance des relations sociales et des rapports de puissance, en fait. Donc il s'apprête à se marier avec cette jeune Thomasine, et non pas avec Eustache. Notamment, on découvre... en fait, je crois qu'on arrive dans le... Donc le nœud de l'intrigue est perçu quand on découvre donc cette Thomasine Yeobright dans une roulotte. Disons, elle est quasiment inconsciente, elle est tremblante de fièvre, etc. C'est parce qu'en fait, son mariage en fait vient d'être quasiment annulé devant ses yeux pour un vice de forme complètement bidon. Ouais, donc ce qui s'est passé, c'est que son mariage a été annulé parce que Wildive n'avait pas les papiers de la bonne paroisse. Donc ils arrivent à l'église et fait non, j'ai les papiers de l'autre ville. Donc en fait, l'église refuse de les marier. Du coup, bah, c'est annulé. Et là, en fait, il y a des suspicions qui tournent autour de lui, donc que ce soit elle ou sa tante. Elle commence à douter de lui et à se dire peut-être qu'il l'a fait exprès, en fait. Peut-être qu'il n'avait pas vraiment envie de se marier, puisque, en fait, derrière, il y a toujours Madame Eustache, donc Eustacia, qui erre et qui était la promise de Wildive. Et c'est là qu'en fait on comprend tout ça, puisque ils se retrouvent autour d'un feu et ils expliquent ils se réexpliquent entre vieux amants, et là on va comprendre qu'en fait ils étaient censés se marier auparavant, voilà, et que lui est toujours amoureux d'elle. A priori c'est elle qui a un peu rompu leur relation, parce que c'est un peu un profil type de femme, pas volage, mais disons volatile. Bon, enfin, comme toutes les eustaches, hein, de toute façon, c'est un classique. Elle a besoin de rêver. Alors, en fait, ouais, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un interlude sur Eustacia, puisque c'est clairement le personnage le plus intéressant de l'histoire. C'est elle la roue du carrosse, la seule. Cette expression est entrée. qui n'existe pas, je viens de la faire. Mais c'est elle le principal engrenage de l'histoire, c'est elle qui relance à chaque fois l'histoire, puisque elle a une personnalité très grandiloquente, elle est née dans la grande ville, et puis elle a été obligée de déménager dans la campagne pour vivre avec son grand-père, mais elle a toujours gardé le souvenir et cette grandeur de la ville qu'elle regrette. En fait, elle a toujours voulu redéménager dans la ville et dont elle a gardé l'arrogance. Et la grandeur d'esprit et la grandeur de vision, en fait, l'ambition. C'est une femme extrêmement ambitieuse. Et donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle. La manière dont le décrit. En fait, c'est la manière dont elle se décrit elle-même. Elle dit: une raison de vivre, c'est tout ce dont j'ai besoin. En fait, elle a juste besoin d'excitation. Elle a besoin que son mari lui offre. Typiquement, elle veut quelqu'un qui lui vende du rêve. Je crois que cette expression a été inventée pour elle. En fait, elle a vraiment pas de bol d'avoir été citée, d'avoir été créée par Thomas Hardy, parce que si elle avait été, disons, inventée par un autre écrivain, quelqu'un un peu plus porté sur le. Un peu moins naturaliste, c'est sûr qu'elle avait le caractère, la stature, la beauté pour devenir reine. Et là, malheureusement, bah, franchement, elle hésite entre un patron d'auberge et un professeur professeur d'anglais dans la lande, quoi. Enfin, clairement, elle a raté sa vie. De scolastique, ouais. ouais. Donc en fait, ce qui se passe, donc, c'est qu'elle retrouve son ancien amant sur le bord du feu. Donc lui, son mariage a été annulé. Et puis il lui dit, en fait, quelques jours plus tard, il revient vers elle et il lui dit, bah, finalement, t'es pas mal. Je vais peut-être me marier avec toi. Je sais que j'avais changé d'avis il y a un an, mais finalement, ça me plairait bien d'être avec toi, parce qu'en fait, on apprend que l'autre fille, donc Thomasine, finalement, elle veut plus se marier avec lui parce qu'elle a des doutes, comme je l'avais dit. Et puis quand elle apprend ça, en fait, Eustacia, elle se rend compte que bah du coup, le mec l'intéresse plus du tout, puisque bah il est plus du tout convoité par une autre femme, et du coup, bah elle, ça l'intéresse pas vraiment d'aller de la voir, parce que c'est trop facile. Et puis voilà, donc elle lui dit, bah, écoute, je vais te donner une réponse. À ce moment-là, il lui propose de partir carrément ailleurs avec elle, à l'étranger, parce qu'elle, son rêve, c'était de partir à Paris. Et puis il lui dit ça, et puis elle lui dit, bah, écoute, je vais réfléchir, on verra bien. Alors que quelques jours auparavant, elle était folle de lui, elle faisait monter des feux pour l'attirer. Et... Tout est remis en cause par le retour au pays natal, donc à la fois d'un personnage, mais aussi d'un événement perturbateur, comme on l'a tous appris au lycée, qui s'appelle Climb Yeobright. Donc, il est toujours le cousin de Thomasine Yeobright, et il a pour lui la chance, enfin disons l'expérience d'avoir vécu plusieurs années à Paris, où il était promis un brillant avenir de vendeur de bijoux, me semble-t-il. Il avait commencé à lancer une petite affaire à Paris, et puis là il revient, repu, plaisir de la grande ville. Auquel il n'a pas vraiment goûté, je pense. Moi, je vois bien une espèce de... Non. De franciscain, là, qui vit comme une pauvresse, là. Il n'a pas du tout, tu vois. Ouais, c'est un peu une grenouille de bénitier. Je crois qu'il n'est même jamais allé au Rex, donc pour te dire à quel point il n'a pas profité de Paris. Non, clairement pas. De toute façon, il n'a pas ses entrées, hein. Je ne sais même pas s'il aurait pu entrer. Alors, par contre, ouais, des mecs habillés en redingote et en chapeau haute forme, je ne sais pas si t'en vois beaucoup au Rex, hein. En même temps, ce serait marrant. Peut-être en soirée. Bon, tu dois avoir des soirées déguisées. Merci de m'aider, c'est gentil. Et bref, et ce mec-là, donc avec son style, son beau parler, sa stature d'homme intelligent, enfin d'homme susceptible de faire rêver, parvient à refaire naître les feux de la passion. Et pas les fruits de la passion, de Eustache, qui apprend le retour donc dans la lande d'un personnage intéressant, de quelqu'un qui est susceptible de la sortir de cette lande dont elle ne peut plus. Et là, elle, afin de le rencontrer de manière un peu subrepticieuse, elle trouve un stratagème assez marrant. Alors, en fait, à l'époque, donc au 19e siècle, il y avait à chaque Saint-Sylvestre, il y avait cette tradition du mumming. Je ne sais pas ce que c'est la tradition de mumming en français. Bal masqué. C'est Balle Masquée. Non, c'est pas du tout ça. Mais en gros, le, c'est le, quoi, non, mais ça ressemble. À, c'est une pièce de théâtre. C'est ça, c'est des pièces de théâtre en costume. En fait, ils jouent tous les ans. Ce sont les mêmes personnes qui jouent la même pièce de théâtre. Et a priori, ça fait partie des grandes traditions que tout le monde adore. En fait, c'est une partie du village, donc quelques villageois qui se retrouvent et qui jouent cette pièce de théâtre itinérante. En fait, ils passent de maison en maison et ils rejouent la même pièce de théâtre qui a trait avec les croisades et les sarrasins, des choses comme ça. Et ils jouent ça dans toutes les maisons. Une soirée est organisée pour l'arrivée donc de Clime, et donc bien évidemment la pièce de théâtre va être jouée dans sa maison puisqu'une réception est organisée. Et elle demande à un des acteurs à y aller et de lui laisser le rôle. Et donc elle va pouvoir se déguiser à sa place, elle va jouer le rôle dans la pièce de théâtre pour pouvoir être introduite à la réception qui se tient dans la maison de Clime et de sa tante. Et de sa mère, en fait, c'est sa mère et la tante de Thomas. Donc là, c'est un peu compliqué. Là, il y a tout un jeu de posture et de machin qui fait qu'elle finit par dans la pièce elle finit par se faire tuer, mais elle arrive à tomber de telle manière à qu'elle puisse observer toute la pièce et donc à bien voir en un beau jeune homme un peu ténébreux et de plein de qualités physiques, et là elle le découvre en fait, elle voit en lui ce personnage susceptible de la faire rêver, et elle déclenche chez lui aussi une première vague de passion en lui parlant, mais de manière très très mystérieuse. Dehors, ils se retrouvent tous les deux. Et donc, parce que lui, en fait, il comprend tout de suite que c'est une femme. Voilà, il est intrigué, il garde ça en tête. Et puis voilà. Donc ça, c'est leur première rencontre, un peu farfelue. Et puis, en fait, si elle avait voulu le rencontrer, elle aurait pu faire moins compliqué. Mais bon, ça aurait été moins marrant. Et puis finalement, ils se revoient, et puis ils finissent par... Et elle oublie complètement où elle vit. D'ailleurs, entre-temps, oui, elle a complètement laissé sur le carreau l'autre gars. Et qui, lui, donc, pour le coup, en fait, il se marie avec son gros bouche-trou qui est Thomasine. Et elle... Ben c'est ça, ouais, en fait. C'est vrai. C'est ça, parce qu'elle lui dit, il lui dit, ah ouais, bah, tu veux pas te marier ? Bah du coup, il retourne voir la fille. Et il se marie mais avec elle. Il faut dire aussi que la conscience des relations sociales est tellement forte chez Thomas Hardy qu'il prend bien le temps de nous expliquer que dans l'esprit de Thomasine, elle est obligée de se marier. Si elle ne se marie pas, ça signifie pour elle la honte sociale, etc. Elle n'a plus vraiment le choix. Si elle ne se marie pas avec celui qui lui était promis, elle redevient... Enfin, ouais. C'est une moins que rien qui ne trouvera jamais de mari, en fait. Donc en fait, elle est un peu coincée. Elle est obligée de se marier avec un gros con. En fait. Et du coup, est-ce que je peux profiter de cet interlude pour lire un passage où l'on perçoit le déclenchement des sentiments de Eustache ? Bah, écoute, j'allais justement te le demander. Alors, pour le contexte du passage, elle n'a pas encore vraiment pu découvrir le visage de Yeobright, de Clime Yeobright, mais elle commence à le fantasmer et on vous a expliqué pourquoi. Donc, je ouvrais les guillemets. Quand elle fut plus calme, elle s'est rendue compte que maints épisodes de ce rêve étaient tout naturellement nés des images et des fantaisies du jour précédent. Mais cette constatation ne retrancha pas grand-chose à un songe dont l'intérêt suprême était d'alimenter une ferveur avide. Elle était à la minute qui hésite entre l'indifférence et l'amour, à la phase appelée « avoir du penchant ». Cette minute a sa place dans l'histoire des passions les plus gigantesques. Celles-ci sont alors à la merci du plus faible coup de pouce. Cette femme passionnée était en ce moment à demi éprise d'une chimère. La nature fantastique de son amour l'abaissait comme intelligence, mais l'élevait comme âme. Plus maîtresse d'elle-même, elle eût réduit son émoi par les raisonnements, et ainsi l'eût tuée. Un peu moins fière, elle l'eût tournée autour de la maison des Yeobright, à Bloom's End, jusqu'au moment où elle aurait vu le jeune homme. Mais Eustacia ne prit ni l'un ni l'autre de ses partis. Elle agit comme aurait agi en pareille circonstance une jeune fille modèle. Elle alla prendre l'air, une ou deux fois par jour, sur les collines d'Egdon, éteint ses yeux bien ouverts. Que t'inspire ce passage ? Écoute, oui, non, ça montre justement le développement et le développement de la passion et le type de passion qui se développe, très hardisque. On rappelle aussi que ça s'est développé en fait pendant la pièce de théâtre, pendant qu'elle elle joue la morte, joue la sarrasin morte. Et qu'elle observe donc ce jeune homme et son visage grave, Bah là, je t'en prie, continue à nous raconter. Donc, est-ce qu'on peut passer tout de suite au mariage, puisque les deux, ils se rapprochent, et ils finissent par se marier. Donc, les deux couples sont mariés. Wild Eve est marié à Thomasine, et Climb, donc le petit nouveau, est marié à Eustacia. Et c'est là que ça commence à virer chocolat, parce que jusqu'à maintenant ça va, c'était bien gentil, mais là ça commence à partir un peu dans les tours, ça vire un peu, là, ça nage un peu dans la rivière du Wessex. Ça nage presque autant que nous, et, en fait. Ouais, exactement. Ouais, là on rame, là on a le moteur. Ah, même pas. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, on a pas le moteur. Ah non, on est sans moteur, là. Bref, on est en fait, je sais pas pourquoi, complet. Mais on a trop de mal à raconter ce truc. Ouais. donc, Eustache et Climb, d'un côté, Thomasine et Damon Wildeve, de l'autre, ne vont pas du tout bien ensemble. Pourquoi ? En fait, les deux esprits, enfin, les caractères sont diamétralement opposés dans chaque couple. Wildeve, d'un côté, et Eustache de l'autre sont plutôt de tempérament. Ils sont très sentimentaux, très rêveurs. Ils n'ont pas vraiment. Ils sont ambitieux. Ils n'ont pas d'attache dans la lande. Alors qu'à l'opposé, Thomasine et son cousin Climb, Yeobright, sont vraiment des êtres issus de la lande. Ils ont des vraies attaches profondes, notamment liées à leur donc la mère de Climb, enfin la personne qui les a élevés, donc la mère de Climb et la tante de Thomasine. Ils se laissent porter un peu par les relations sociales habituelles de la lande. Ils s'y sentent bien et ils n'ont pas d'ambition profonde à quitter la lande. Mais surtout que en fait Climb lui revient d'un séjour à Paris. Et il a vécu à Paris, ça lui a pas plu du tout. En fait, la ville lui a plu, mais ce que les us et coutumes des gens à Paris ne lui plaisaient pas. Donc lui, son but, c'est de retourner. Donc là, il est revenu dans la lande et de ne plus jamais la quitter, en fait. Il veut plus jamais la quitter. Et c'est là le problème, c'est là le point de rupture, puisque Eustacia, elle, ce qu'elle veut, c'est surtout de se casser, en fait. Elle veut vraiment partir et elle l'a épousé parce qu'elle comptait sur lui pour partir avec elle à Paris. Donc c'est là que ça clash. Ouais, ça clash parce qu'à l'époque, il n'y a pas les échanges scolaires classiques. Du coup, disons, elle n'arrive pas du tout à trouver un moyen de quitter la lande. Elle essaie, voilà, jusqu'au bout. On peut dire juste le but là de Climb, en fait, lui, c'est ce qu'il veut, c'est monter une école. En fait, il veut rester ici et devenir professeur et créer sa propre école. Et à cette occasion, il arrive un truc qui m'a vraiment fait rigoler. On n'a pas beaucoup l'occasion de rire dans ce bouquin, mais ça m'a vraiment fait rire. Pour devenir professeur et monter son école, on ne sait pas exactement pourquoi, mais disons, il lit énormément. Avec le but de passer une espèce de diplôme, mais c'est très bizarre, on comprend pas vraiment, en fait, là, mais bon, bref, j'imagine qu'il y a une espèce d'épreuve pour devenir directeur d'école, et à force de lire, il en devient aveugle, et ça m'a fait super rire, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'aime bien torturer des chats aussi. Parce que c'est très con. Ouais. Mais du coup, non, ça m'a vraiment fait rire, il en devient aveugle, et son rêve... s'éteint en même temps que ça la lumière de ses yeux. Et c'est là que Eustache se rend compte qu'elle n'arrivera pas du tout à satisfaire ses besoins d'ambition et de départ avec un homme qui se satisfait de rester aveugle et de couper des ajoncs dans la bruyère, quoi. En fait, vu qu'il devient quasiment aveugle, en fait, le seul métier qu'il va pouvoir faire, en fait, c'est de commencer à couper les ajoncs exactement comme tous les villageois que Eustacia déteste. Donc, elle commence à perdre toute l'admiration qu'elle avait, en fait, même très rapidement, parce que ça prend juste quelques mois, à peine 2 mois, pour se rendre compte qu'en fait, elle l'admire plus du tout déjà, puisque il s'est abaissé à travailler dans les champs. En compagnie des paysans qu'elle aborde. Alors, qu'est-ce que tu dis qu'on arrête là pour éviter le spoiler? Parce que c'est là vraiment où ça vire, mais grave, vénère. Voilà, et si on pouvait juste parler du teinturier de l'homme rouge. Du teinturier, oui, très bien, Didier. Oui, il est teinturier, oui. Pour peau de mouton, ouais, pour mouton même. Ouais. Je l'appelle teinturier, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est parce que c'est vraiment un petit le petit gorille. Donc. Alors lui, en fait, il a un rôle très intéressant et qui existe un peu dans tous les romans de Thomas Hardy. C'est l'homme qui n'a pas de conditions sociales, qui est un homme manuel, qui occupe un métier manuel, et c'est aussi un homme très honnête et très très pieux, qui aide l'ensemble des habitants. Qui est un homme qui sera toujours là, qui sera toujours présent pour aider. C'est un peu le Deus ex machina dont se sert Thomas Hardy. Et il est amoureux donc de la protagoniste principale. Et il se fait rejeter en permanence, en fait. Ce sera jamais lui le choix numéro un. Simplement par sa condition sociale. En plus, là, dans ce roman-là, il a la peau imprégnée de rouge, puisqu'il travaille avec de la craie rouge qui s'imprègne dans sa peau et qui part jamais. Donc il est tout le temps rouge, en fait. Toute sa peau est rouge. Ce qui est intéressant, c'est que dans Loin de la foule déchaînée, il y a exactement le même type de personnage sous les traits de George. George Abitbol, son nom. Voilà, on va l'appeler George Abitbol, et qui était lui, qui était amoureux de la jeune Bathsheba Everdeen et qui jusqu'au bout se fait friendzoner jusqu'à finalement réussir à se marier avec elle. Et donc lui, il est berger, hein. C'est un homme qui s'est fait lui-même. Il est berger, il n'est pas teinturier ou quoi que ce soit. Mais c'est le même principe de la condition sociale. C'est-à-dire que on parle de femmes qui aiment pas forcément l'argent, mais qui aiment la grande vie et qui se retrouvent pour une raison ou pour une autre à vivre dans la campagne profonde anglaise et qui s'en satisfont pas forcément. Est-ce que tu ne serais pas d'accord en forme de conclusion alternative de dire que les bouquins de Thomas Hardy sont une ode à la friendzone? C'est totalement une ode à la friendzone, puisque même dans Loin de la foule déchaînée, on a trois ou quatre personnages masculins qui se font friendzoner, en fait. C'est pas juste lui, c'est à peu près tout le monde. Et là, en fait, dans Le Retour au pays natal, on a tous les paysans qui se retrouvent autour de Stacia, dont celui qui lui laisse son rôle dans la pièce de théâtre. Charlie, en fait, lui, il accepte de lui laisser son rôle, de la laisser le remplacer dans la pièce de théâtre, à la condition qu'elle le laisse lui tenir la main pendant un certain laps de temps. 15 minutes. Je sais plus, c'est une demi-heure, je crois. 15 minutes. Donc voilà, c'est lui, il se fera friendzoner jusqu'au bout. Ouais, il n'a pas eu de chance. Enfin, il n'a pas eu la chance d'avoir un héritage qui va lui tomber sur le nez, comme Digory. Alors c'est Digory et Wildive aussi. Et Wildive, ah oui, c'est vrai. En fait, oui, tout le monde devient riche. La fin est très belle en termes d'un aspect financier, mais moins... Moins pour les pauvres. Moins pour les pauvres, oui. C'est une belle conclusion, c'est ça. En fait, c'est un roman naturaliste favorable aux riches. Alors, ouais, c'est ça, parce que dans ce roman, les riches deviennent riches et les pauvres restent pauvres. Et ça marche bien comme et ça. Y a un truc, et ils sont contents. Il y a un truc que j'ai trouvé assez marrant. C'est un peu comme dans Balzac. C'est que l'auteur déteste, décrire le bonheur. Je sais pas si t'as eu cette impression-là. Pour moi, dès qu'il y a des scènes de bonheur, il préfère l'élément perturbateur, l'espèce de stagnation un peu merdique dans un couple, et ça, il le décrit vraiment bien, je trouve. Mais les scènes de bonheur, il les zappe au plus vite. Bah c'est, oui, c'est pas dans son intérêt. Mais oui, c'est vrai, c'est extrêmement mélancolique. Et tout comme il a un problème avec les gens, parfaitement sains d'esprit, parce que la seule personne qui est vraiment saine d'esprit, qui est la plus maître de ses sentiments, c'est Thomasine Yeobright. Je pense que tu peux être d'accord avec moi. Ouais. Et clairement, sa place dans le roman, elle apparaît juste en fond, comme un... Pour le coup, c'est un élément du roman, mais son personnage est complètement à chier, quoi. C'est une putain de plante, donc c'est sûrement une belle plante, hein. C'est un rhododendron, quoi. Et c'est... Franchement, elle sert à rien. Et alors notamment, j'ai extrait cette petite phrase qui tend à démontrer cette passion de la folie que vénère Thomas Hardy. Les bienfaits habituels d'un esprit équilibré sont le bonheur et la médiocrité. Allez, voilà, tu as 2 heures pour commenter cette phrase. Bah écoute, je commence maintenant. Sur cette magnifique phrase, qu'est-ce que t'as pensé du livre ? C'est un excellent bouquin. Non, super livre. J'aime beaucoup les changements de rythme. C'est un peu comme notre podcast, en fait. Tout est dans le changement de rythme. J'aime beaucoup les changements de rythme entre les longues scènes, les longues descriptions naturalistes. L'auteur essaye aussi de décrire longuement les sentiments, les retournements de situation des personnages. Ça, j'ai beaucoup aimé. Les changements de rythme aussi, avec il y a des scènes d'action ou des scènes où très très presque manuelles, quoi. Comme la scène où elle se fait passer pour un homme et participe à la pièce de théâtre. En fait, il y a des scènes très comme ça, très très très factuelles, qui sont très différentes des scènes d'autres scènes beaucoup plus longues. Et qui s'insère parfaitement avec l'idée de la lande très mystérieuse et omniprésente. Bah, moi je suis comme toi, j'ai beaucoup aimé l'univers, les changements de rythme, c'est un peu un maître pour ça. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ça met un peu de temps à démarrer quand même, donc dans l'ensemble j'ai vraiment adoré. Comme je l'ai dit, donc ça met juste un peu de temps puisqu'il y a toute cette phase avec les feux de la Saint-Jean. Et alors simplement, J'ai tellement aimé Loin de la foule déchaînée, c'est clairement un de mes livres préférés, Loin de la foule déchaînée, que j'ai lu l'année dernière et pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur, qu'en fait le retour au pays natal, donc celui-ci, souffrait un peu de la comparaison, puisqu'en fait quand on aime un auteur, en général, ça arrive assez souvent, on aime le premier roman qu'on lit de lui. Et puis ceux qu'on lit après, on essaie toujours de retrouver la même sensation, et malheureusement on ne la retrouve pas puisqu'il n'y a plus l'effet de surprise, il n'y a plus la même admiration pour justement ces changements de rythme, ce style qui est si particulier. Heureusement qu'on n'a pas lu le deuxième bouquin d'Harper Lee, hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Oh non, peut-être que cette fois-ci on l'aurait aimé, en fait. Tu crois que ça marche dans le sens aussi ? Peut-être, oui, il y a moyen. Moi, ça m'est arrivé avec Philip Roth, qu'au début j'aimais pas trop, et puis en fait, après ça a été. Donc voilà, c'est juste ça. Et par contre, moi, ça m'a énormément plu, ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver, mais ça c'est vraiment à titre personnel, de retrouver tout l'univers, donc le Wessex, de retrouver. Ça, c'est lié à tes tendances sexuelles, ça. Voilà, tout à fait. Le Wessex. Que j'avais vraiment aimé, ça m'a vraiment fait plaisir de le retrouver dans un autre roman. Et c'est tout. Mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, comme vous vous en doutez, chers auditeurs, et si vous avez tenu jusque-là, je pense que vous l'aurez compris, ce bouquin prend la place de numéro 1 de notre top 50, mais très très largement. Alors ouais, largement, ça va être difficile de le détrôner, puisque en fait, jusqu'ici, on n'avait lu que des grosses bouses, et puis voilà, on arrive à quelque chose qui tient le pavé. Non, je déconne, en fait, c'est ça, on n'a jamais lu de grosses bouses, mais c'est vrai que celui-ci est quand même largement au-dessus. Parce qu'en fait, on a été attaqué par les ayants droit d'Harper Lee pour des critiques, enfin voilà. Du coup, on doit dire du bien, on a 3 procès au cul, et on doit dire du bien de tous les bouquins dont on a parlé, malheureusement. Ouais, alors on va commencer avec Harper Lee. Alors, le racisme, c'est mal. Pour Barbus, les portes d'hôtel, c'est bien. Pour Tom Wolfe... Le sarcasme et la perversité dominent le monde. Voilà. Alors, donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Est-ce qu'on passe au billet du Je pense qu'on peut lancer un petit jingle. La longueur de Proust me paraît courte. On voudrait lire et relire encore après la dernière ligne du temps trouvé. De ne pas être dans la sympathie. Et c'est ça le génie de Camus. Et c'est ça qui m'intéresse, Camus et hip-hop. Je me prends pas pour un Quichotte, mais souvent je me suis pris pour le cheval de Quichotte. Ce n'est peut-être pas très original, mais le livre qui a changé ma vie est, je crois, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Houellebecq est un écrivain important de notre époque parce qu'il décrit exactement la misère sexuelle de notre époque. Alors, mon petit billet d'humeur, est relatif aux Creative Studies. Et qu'est-ce que c'est ? J'ai découvert récemment l'existence des Creative Studies, littéralement des études créatives, et qui sont en fait des ateliers d'écriture. En France, des universités ont créé des cours d'écriture. Donc là, je pense notamment à Aix, à Cergy, Saint-Denis, et c'est assez récent, ça date de 2013. Aux États-Unis, bah bien sûr, ça existe depuis bien plus longtemps. Et des écrivains reconnus comme John Irving, Kazuo Ishiguro, Tracy Chevalier ou Philip Ross ont avoué être passés par là. Ça consiste en fait... Putain, Tracy Chevalier, ça, la fille... Ah merde, comment ça s'appelle ? La jeune fille à la perle. Aux éditions de la table ronde, des éditions collabo. Tu noteras que je laisse un blanc pour cette superbe blague. Non, attends, c'est vrai, c'est aux... Donc attends, Tracy Chevalier est édité aux éditions de la table ronde. C'est une blague ? Oh putain, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est drôle. Putain, j'y avais pas pensé, c'est vrai. Alors, pour revenir au cours de... Bon, alors, ouais. Je vais dire, en fait, c'est fait exprès, c'est une blague. C'est une blague, en fait, j'y avais pensé, c'est ma blague. Ça consiste en des cours d'histoire littéraire classique, mais aussi en des TP, donc travaux pratiques pour les plus anciens, où sont comparés les textes écrits par les étudiants. Alors... On est d'accord, le but d'un écrit est bien souvent d'être lu. Le regard collectif est crucial à l'auteur, c'est normal, il écrit pour les autres. Mais là, qu'est-ce que j'ai écrit ? Mais la question que je me pose, le collectif doit-il prendre le dessus sur le processus de création littéraire ? Ce que je veux dire, ne risque-t-on pas de tendre vers une uniformité de la création ? Sachant que les professeurs de création littéraire sont des auteurs reconnus, des critiques importants ou des universitaires diplômés, bref, des membres d'un gotha littéraire installé et bien en place, le risque n'est-il pas inverse, de voir des écrits de plus en plus homogènes, qui correspondent à ce que recherche ou espère la technocratie de la littérature ? C'est pas une belle question ? D'ailleurs, c'est une phrase un peu longue, mais bon, j'ai pas pris de cours. Aura-t-on encore le droit de faire des phrases trop courtes, banales, bancales, trop longues, pleines d'onomatopées ? Est-ce qu'un Céline ou un Proust aurait vraiment pu passer ce test ? Pas sûr. Mais bon, peut-être faut-il croire que l'originalité n'est pas une priorité. Le dernier Goncourt, Leïla Slimani, a notamment avoué avoir participé à des cours de création littéraire. Parce que, notamment, Gallimard fait payer des centaines d'euros des cours de création littéraire, il faut le savoir. Avec un certain succès, donc, vu qu'elle a remporté le dernier concours en novembre, début novembre. Alors oui, c'est une honte de voir récompenser un auteur qui se revendique comme étant issu du sérail, d'une littérature française en jachère, mais j'aurais peut-être dû être plus honnête et m'arrêter là, d'autant plus que mon jugement ne peut se porter sur un écrivain, Leïla Slimani, dont je n'ai jamais lu une ligne. Moi, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord sur ta conclusion. En fait, ça, c'est vraiment à deux tranchants. Si les cours d'écriture deviennent des cours d'ayatollah et que c'est un dogme et qu'il faut écrire d'une certaine façon, alors oui, là, oui, c'est en fait que ça limite la création et l'inventivité. Oui, là, c'est un problème. Mais si s'agit juste d'une concertation. Moi, ça me dérange pas. En fait, quand je suis allé aux États-Unis d'Amérique, j'ai été ébloui par l'état des campus, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, c'est vrai que c'est très cher, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec nos universités françaises qui tombent un peu et dont les murs s'effritent. Ça n'a absolument rien à voir. En fait, chaque élève peut créer ses propres cours. En fait, on peut proposer ses propres cours. Et donc, très logiquement, dans quasiment la totalité des universités et des campus, il y a des cours d'écriture. Et ce sont des cours participatifs, en fait, où chacun propose son idée et où on essaie d'écrire des livres ensemble ou à se proposer des idées, où chacun propose son texte. Voilà, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Donc, mais j'ai pas vraiment d'avis à donner, puisque je ne sais pas, j'y suis pas resté assez longtemps pour savoir si c'était de la concertation ou de la dictature. Encore voilà. Une fois, c'est une question de professeur. Par ailleurs, je voulais... Et je voulais dire aussi que l'auteur de 50 nuances de Grey, apparemment, elle a fait aussi un cours d'écriture. Et à ce qui paraît, c'était de loin la plus mauvaise du cours. Et puis voilà, puis elle a pondu son truc et apparemment elle avait un bon agent et bah, elle est millionnaire. Ce billet d'humeur est une revanche contre la vie parce que je sais pas pourquoi, mais ok, vas-y. Peut-être parce que j'ai toujours eu des mauvaises notes en dissertation en classe. Et du coup, je me suis dit que c'était mes professeurs qui étaient pas bons plutôt que mon écriture qui était mauvaise. Sur cette note d'espoir, je propose que nous passions à nos recommandations. Japon, ce sont les Chinois, ce sont les Japonais, ce sont les Chinois de la péninsule du Japon, de l'île. Bah, je t'en prie, écoute, Mathieu. Bridé, mais pas trop. Ouais, ce podcast est complètement débridé, putain. Putain, c'est tellement le bordel. Alors, moi, je sais pourquoi, de mon côté, c'est le bordel, parce que j'ai terminé ma deuxième Heineken, mais toi, c'est non, c'est un café au lait qui ne passe pas. Tu sais, il est encore tôt. Donc, alors ma recommandation, je sais pas pourquoi j'allais te la montrer à la caméra, ça sert à rien. C'est un recueil de nouvelles. C'est difficile, hein. De Kenzaburo. Alors, je vais essayer de le faire. Kenzaburo. Kenzaburo. D'ailleurs alors, il y a un lien évident avec. Les coutumes ancestrales de la lande d'Egdon, parce que le bal masqué. Ohé, voilà. Je sais pas. En fait, je préférais pas continuer, mais elle est bonne. Hein. Je sais pas si c'est ma bière qui parle, mais elle est bonne. D'ailleurs, donc, le titre de ce recueil de nouvelles de Kenzaburo. Le titre de ce recueil de nouvelles, je vais le lire en version originale parce qu'on aime bien les versions originales, c'est Warera no Kyoki wo Kinobiru Michi wo Shieyo. Ce qui veut dire dites-nous comment survivre à notre folie. Donc, Kenzaburo Oe, il a aujourd'hui 81 ans, il était tout gamin pendant la Seconde Guerre mondiale et il nous offre donc une vision surtout. De la vie au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, donc d'un côté qu'on ne connaît pas, c'est un peu comme Clint Eastwood avec Mémoire de nos pères. Je vais juste parler de deux nouvelles dans ce recueil. La première et la dernière. La première s'appelle Gibier d'élevage. Elle raconte l'histoire d'un petit village de montagne au Japon qui soudainement, donc c'est vu à partir c'est le point de vue d'un petit gamin de 10 ans qui vit juste avec son père et son petit frère, et un jour un avion américain s'écrase, donc il est bombardé et il s'écrase dans la montagne juste à côté de leur village. Il y a trois passagers, il y en a deux qui meurent et il y en a un qui est fait prisonnier, et il s'avère que ce prisonnier c'est un noir. Donc ce village japonais dans les années 40 se retrouve avec un gigantesque noir prisonnier américain en uniforme. Et donc la bureaucratie japonaise veut que si tu captures un prisonnier, c'est au village de s'en occuper. Et à cette époque-là, c'était pas vraiment fédéralisé, c'était surtout pour les villages qui sont isolés en montagne, c'est à eux de s'occuper des prisonniers, à eux de faire leur choix. Et donc ils vont devoir se retrouver devant le choix draconien de s'occuper de ce gars-là ou de le tuer. Et je n'en dirai pas plus, c'est une très belle nouvelle. Et donc la dernière nouvelle, elle n'a rien à voir, et elle est, même si le traducteur est le même, d'ailleurs je tiens à le saluer parce que c'est quand même difficile de traduire du japonais, et il a quand même rendu une copie très honnête. Donc Marc Mécréant, si tu nous entends. Donc je parle donc de la dernière nouvelle qui s'appelle, alors là c'est encore un titre à coucher dehors, je vais essayer de le retrouver. Le titre, le jour où il daignera lui-même essuyer mes larmes. C'est l'histoire en fait d'un gars qui se retrouve alité dans une chambre d'hôpital et qui a apparemment un cancer. Et on s'aperçoit qu'en fait lui veut que ce soit un cancer, qu'il est suicidaire mais pas trop. Et en fait il est en communication avec une femme qu'il appelle son exécutrice testamentaire. En fait c'est une infirmière. Et il lui raconte en fait l'histoire de son père qui était soldat dans l'armée japonaise et pourquoi il a déserté et pourquoi il a soudainement pris le maquis à l'intérieur du Japon en pleine guerre contre les Américains et pourquoi il s'est révolté. Et en même temps, il raconte sa haine contre sa mère et pour quelle raison il a toujours fait dans sa vie, pourquoi il a toujours essayé de faire comme s'il se suicidait ou faire comme s'il rejetait tout amour, ou pourquoi il est tombé dans la violence en fait, puisque ça a toujours été un gamin très violent. Et donc à 35 ans, il se retrouve avec un cancer imaginaire et on s'aperçoit qu'en fait c'est vraiment pour faire chier sa mère. Et donc je vais m'arrêter là puisque là c'est vraiment faire chier sa mère. Donc ça sera le dernier mot, je pense, faire chier sa mère. Voilà, mais alors je sais pas si t'as déjà vu le film Harold et Maude, film des années 70. Non, je sais plus. Bah c'est sur un gamin en fait qui simule des suicides en fait. Il simule toutes les formes de suicide possibles. Au tout début on le voit se pendre pour de faux, après il se noie pour de faux, il fait tout pour de faux et il vit tous les jours, il essaie de simuler un suicide pour emmerder sa mère. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Je m'arrête là, je recommande, ça s'appelle Dites-nous comment survivre à notre folie, de Kenzaburo. Ouais. Alors moi je poursuis donc avec des romans nippons, alors notamment celui-ci de Yasunari Kawabata, comme son nom l'indique, il est tahitien, il est japonais, et... le bouquin dont je veux parler ça s'appelle Les Belles Endormies. Alors, ces belles endormies, ce sont des jeunes filles qui, sous l'effet de puissants narcotiques, s'endorment dans des chambres ou les rejoignent des vieillards en mal de plaisir. Donc, ces vieillards passent la nuit auprès d'elles, ont le droit de les toucher, mais évidemment, non pas de leur faire la chose. Et donc, il y a dans ce bouquin une forme un peu de perversité, de... comment un vieillard peut vivre ses derniers besoins de plaisir. C'est vachement cool, c'est hyper pervers, et d'autant plus que le vieillard que nous suivons, donc Eguchi, lui, il est encore vert, quoi. Voilà, donc ça s'appelle Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata, dont le titre original, Nemureru Pijo. C'est tout ? Putain, je suis déçu. Non, en fait, ce sont il écrit des bouquins plus, généralement très courts. Enfin, très court. Celui-là fait 120 pages. Ah non, mais je parlais du titre, parce que d'habitude, c'est des titres à rallonge en japonais. En l'occurrence, Nemureru, ce qui veut dire les belles et bijoux endormis. Donc, voilà. Endormis. C'est complètement faux. J'en ai aucune idée. Ah, moi, je suis parti dans ton univers, là. Tu m'as emporté. Ça, dormir à côté de femmes sous GHB, ça te connaît, hein. Alors, faut toujours se méfier, parce qu'il y a toujours des... on croit que c'est gentillet chez les Japonais, puis en fait, il y a toujours un moment où ça vire n'importe comment. Méfie-toi de l'eau qui dort. Voilà. Alors, j'en dirai pas plus, mais il y a une scène de sodomie de chèvre dans une des nouvelles de Kenzaburo Oe. Juste comme ça, voilà. Bon, il faut qu'on trouve le prochain livre qu'on avait dit. D'ailleurs, on l'a déjà décidé. Alors, si je me trompe pas, ce sera Le Vieil Homme et la Mère. Le Vieil Homme et la Mère de notre ami Ernest. Voilà. Un classique parmi les classiques. Et je pense que... avec Harper Lee, je pense que c'est le bouquin le plus connu que l'on a déjà fait. Bref, tu vois ce que je veux dire. C'est le bouquin qui va nous permettre de passer à la postérité, quoi. Par ailleurs, je voulais juste te dire, donc vous pouvez encore, si vous en avez l'envie ou pas, de nous laisser 5 étoiles sur iTunes, de nous suivre sur PodCloud, de visiter notre site de Zone, un bouquin. www.wixsite.com/2h1b. Ça semble très compliqué, mais vous pouvez aller sur la page Facebook et retrouver le lien. Vous pouvez liker la page Facebook, vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous adorer et nous envoyer aussi des emails avec des photos de petits chiens si vous voulez à l'adresse 2hommes1bouquin tout attaché, il n'y a pas le et, donc 2hommes1bouquin@gmail.com. Merci à tous. Arigato gozaimasu.